إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد واصل القراءة في شرح نواقض الإسلام العشر. قال الشيخ الفوزان: الله جل وعلا قريب مجيب. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك قال الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إنه قريب مجيب. لماذا تذهب وتدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله؟ قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كأن الله لا يعلم ولا يرى. وهكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر فيخرجون من دين الإسلام، وهم يصلون ويصومون ويحجون، والذي يراهم يظن أنهم مسلمون. Donc on reprend la lecture du livre de l'explication du Cheikh Al-Fawzan de ce livre, Les 10 annulatifs de l'Islam. Il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, Allah Jalla wa Ala est proche, il est proche et exauce. Et Allah Azza wa Jalla dit: et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, alors je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit: et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc Allah Azza wa Jalla est proche et exauce les invocations. Donc pourquoi tu t'en vas et tu invoques autre qu'Allah et tu dis: ceci va me rapprocher d'Allah? Et Allah Azza wa Jalla dit à leur sujet qu'ils disent: nous ne les adorons que pour qu'ils ne rapprochent davantage d'Allah. C'est-à-dire, c'est comme si Allah Azza wa Jalla, et la personne qui dit ça, c'est comme si Allah Azza wa Jalla n'entendait pas, ne savait pas, ne connaît pas. Et c'est comme si Allah Azza wa Jalla ne sait pas. Et c'est comme ceci que les diables parmi les djinns et les ins et les humains ont embelli à ces gens-là, alors que ces gens-là prétendent l'islam et ils attestent qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah Azza wa Jalla, et ils prient et ils jeûnent, mais ils mélangent leurs œuvres avec le grand shirk qui vient sortir de l'islam. Donc ils sortent de l'islam alors qu'ils prient et qu'ils jeûnent et qu'ils font le pèlerinage. Et celui qui les voit, il croit qu'ils sont musulmans, alors qu'ils ne le sont pas. فينبغي معرفة هذا فالشرك بالله عز وجل هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب ومع خطره وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك يسمونه التوسل أو يسمونه طلب الشفاعة أو يسمونه باسم غير الشرك ولكن الأسماء لا تغير الحقائق الشرك هو الشرك وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعا مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ظاهر المنادات والتحذير منه والتوعد عليه ظاهر لا تخلو سورة من القرآن من التحذير من الشرك، ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. Donc Cheikh Fawzan dit, il convient à la personne de savoir ceci. Le shirk, l'association à Allah Azzawajal, est le plus dangereux des péchés. Et c'est le pire des péchés. Et avec son danger et son mal, avec ce danger et ce mal, pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées et qui prétendent l'islam, qui sont tombés dans ce grand shirk qui fait sortir de l'islam. Et il l'appelle par d'autres noms. Il n'appelle pas association, il n'appelle pas par son nom l'association, mais il l'appelle, il le nomme comme étant التوسل, c'est-à-dire le rapprochement. التوسل, c'est التقرب, le rapprochement. Ou il le nomme comme étant le fait de demander la shafa', l'intercession. Ou il le nomme par d'autres noms, autres que le shirk. Mais les noms ne changent pas la réalité. Même si on l'appelle التوسل, ou طلب الشفاعة, طلب الشفاعة, يعني, ça ne change pas la réalité. C'est du shirk, le shirk, c'est du shirk. Le shirk, c'est le shirk. Et c'est le plus, et c'est le pire, la pire des sortes. Et c'est la sorte dans laquelle le plus de gens tombent dedans. Alors qu'il est clair dans le livre d'Allah Azzawajal, yani l'interdiction de ce shirk, yani l'explication, la clarification de ce shirk, et aussi il est clair dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'appel et la mise en garde et la menace contre lui, contre ce shirk, est clair, il est apparent. Il n'y a pas une sourate du livre d'Allah Azzawajal, du Coran, qui ne parle pas de ce shirk et qui ne met pas en garde contre ce shirk. Et avec ceci, ils lisent, ces gens-là qui prétendent l'islam, ils lisent le Coran, mais ils ne s'écartent pas du shirk. وربما يأتي واحد ويقول هؤلاء جهال معذورون بالجهل فنقول إلى متى الجهل والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه لقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له. Donc Cheikh Fawzan explique, il dit: il se peut qu'une personne vienne et dise « Ces gens-là sont des ignorants et donc ils sont excusés par leur ignorance. » Donc on dit à ces personnes-là « Jusqu'à quand l'ignorance ?» Alors que le Coran est récité et eux-mêmes, ces gens-là qui tombent dans le grand shirk, apprennent par cœur le Coran et ils le lisent. Donc l'argument a été posé sur eux par la transmission du Coran. Et c'est ceci qu'Allah Azzawajal a dit. Et Allah Azzawajal a dit, et il m'a été révélé ce Coran pour que je vous avertisse avec et tous ceux qui l'atteindra. Et tous ceux qui l'atteindra. Donc toute personne dont le Coran lui a été transmis, alors l'argument lui a été posé. Et il n'a aucune excuse, il n'a pas d'excuse. Donc vous avez vu, au début du livre, c'était très important d'évoquer les trois conditions pour que la personne devienne mécréante. Et la dernière, c'est qu'on pose la preuve sur cette personne-là. Et donc, Cheikh Fawzan explique que si la personne, si le Coran a été transmis à cette personne, donc ceci... la preuve a été posée sur cette personne-là. Et on revient maintenant, on est tout le temps au premier annulatif de l'islam, qui est l'association à Allah Azzawajal. Et on revient maintenant aux paroles de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc Allah عز وجل dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Il pardonne en dessous de cela à qui il veut. قال الشيخ الفوزان إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب بحيث أن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وهذه كلها دون الشرك وهي داخلة تحت المشيئة وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق ولكنهم لم يقعوا في الشرك وإنما وقعوا في الكبائر فهي تنقص إيمانهم ويحكم عليهم بالفسق ولو ماتوا ولم يتوبوا فإنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهم وهذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك. Donc Cheikh Al-Fawzan explique la première partie du verset. Inna Allah la yaghfiru yushraka bih. Certes Allah Azza wa Jal, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Et ceci, cette parole d'Allah Azza wa Jal indique que l'association est le pire des péchés. Car Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à celui qui commet ce péché-là, sauf s'il se repent de celui-ci. Et il pardonne en dessous de cela, c'est-à-dire en dessous du shirk, de l'association. Comme la fornication, comme boire l'alcool, comme le vol, et comme l'intérêt usuraire. Et tout ceci sont en dessous du shirk, sont en dessous de l'association. Et ces péchés-là, qui sont en dessous de l'association, entrent sous la volonté d'Allah Azzawajal. Et les personnes qui commettent ces grands péchés sont nommées comme étant des gens des grands péchés. Et ils sont pervers. Mais ils ne sont pas tombés dans le grand shirk. Ils ne sont pas tombés dans le shirk. Mais ils sont tombés plutôt dans les grands péchés. Et ceci va diminuer leur foi. Ceci diminue leur foi. Et on les juge comme étant... On les juge comme ayant de la perversité. Et s'ils meurent, et qu'ils ne se sont pas repentis, ça c'est très important de savoir, ça c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe, si les gens qui commettent, parmi les musulmans qui commettent les grands péchés, meurent sans s'en être repentis, alors ils entrent sous la volonté d'Allah Azzawajal, ou Allah Azzawajal leur pardonne, leur pardonne avec ce qu'ils ont comme tawhid, car ils n'ont pas, yani avec leur grand péché, ils n'ont pas commis, ce n'est pas de l'association. Ou Allah Azzawajal donc les pardonne, ou Allah Azzawajal les châtie, en fonction de leur péché. Et puis leur destination finale sera le paradis, car ils sont monothéistes. Il sera donc leur destination sera le paradis avec ce qu'ils ont comme tawhid, comme unicité. Et donc ceci est la destination des gens des grands péchés. Des grands péchés qui sont en dessous du shirk. بعض الأدلة من كتاب الله ومن كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا لأن هذا يدخل في اعتقاد هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته ولا يخرج من الملة ولكنه في الآخرة وهو في الآخرة تحت المشيئة Inch'Allah, adabahu, incha'a, ghafara lahu. ومن ذلك كما ذكرنا شيخ الإسلام قال من فرق الدليل ضل السبيل والدليل بما جاء به إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc on vient de voir un point très important, un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, c'est que la personne qui fait les grands péchés comme la fornication, le fait de boire l'alcool, de commettre l'usure et autres, ne sort pas de l'islam et il est croyant avec sa croyance, avec sa foi, et pervers à cause de ce qu'il a commis comme grand péché. Et dans l'au-delà, il est sous la volonté d'Allah, ou Allah Azzawajal lui pardonne, ou Allah Azzawajal le châtie en fonction de ses grands péchés. Et donc, on évoque certaines preuves pour étayer ce fondement. Et Cheikh l'Islam, comme vous savez, comme on a vu plusieurs fois, a dit celui qui délaisse la preuve s'est certes égaré du sentier. Et la preuve n'est autre que ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, أذكركم الأدلة وكما ذكرنا حديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها وكذلك الرجل الذي قتل 100 روحة ودخل الجنة وكذلك كما ذكرنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه أثبت الأخوة بينهما عليكم السلام فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني ما سلب الله اسم الأخوة بين القاتل والمقتول، وهذا يدل على أن القاتل لم يخرج من الملة بقتل أخيه. وكذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن الله يقول يوم القيامة اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، وفي لفظ يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، والذرة يعني النمل الصغيرة، فأخرجوه من النار. Donc on évoque les preuves. Donc on a vu le hadith de la prostituée qui a abreuvé un chien, et donc Allah Azza lui a pardonné. Et aussi la personne qui a tué 100 personnes et pourtant il est rentré au paradis. Le prophète sallam a évoqué cette personne qui a tué 100 personnes et il est rentré au paradis. Et aussi la parole d'Allah Azza wa Jalla, comme on a vu, Allah Azza wa Jalla a dit « Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion au sujet des morts, des meurtres. » Et enfin, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit « Celui donc qui pardonne à son frère, Allah Azza wa Jalla n'a pas enlevé le nom de la fraternité entre les deux. Et pourtant, elle a tué son frère. Donc, Allah Azza wa Jalla a affirmé qu'il y avait tout le temps la fraternité entre les deux. Donc, la personne n'est pas sortie de l'islam à cause du meurtre d'un musulman. Mais c'est un péché énorme. Mais il ne sort pas de l'islam. Et aussi, dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a évoqué qu'Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah va dire: partez, et celui dont vous trouvez qu'il a dans son cœur le poids d'une petite fourmi de foi, alors faites-le sortir de l'enfer. Et dans une autre version, Allah Azza wa Jalla dira: partez, et celui dont vous trouvez dans son cœur la moindre, trois fois, le moindre poids de la petite fourmi de foi, alors faites-le sortir de l'enfer. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يعني أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق متفق عليه وكذلك حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه حديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا يعني من الكبائر مما ذكر ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب يعني أي أقيم عليه الحد في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه رواه مسلم. Donc on continue parmi les preuves sur le fait que la personne qui commet les grands péchés n'est pas sortie de l'islam. Il y a le hadith d'Abu Dharr radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril est venu, paix soit sur lui, et m'a annoncé la bonne nouvelle que celui parmi ta communauté qui n'associe rien à Allah entrera au paradis. » Et Abu Dharr a dit, même s'il fornique, et même s'il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il fornique, et même s'il vole. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari muslim. Et aussi le hadith de Ubada ibn Samit radiallahu anhu, qui a dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une assemblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pacte d'allégeance, faites-moi allégeance sur le fait que vous n'associez rien à Allah Azzawajal, et que vous ne forniquez pas, et que vous ne forniquerez pas, et que vous ne volerez pas, et que vous ne tuerez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Et celui qui accomplit ceci, ce pacte d'allégeance parmi vous, alors sa récompense incombe à Allah. Et celui qui s'adonne à une chose de ceci, c'est-à-dire à ses grands péchés, celui qui commet ses grands péchés et qu'il est châtié ici-bas, alors ceci est une expiation pour lui. Celui qui, dont on applique une peine parmi les peines de l'islam, alors c'est une expiation pour lui. Et celui qui commet l'une de ces choses parmi les grands péchés et dont Allah Azzawajal et dont Allah préserve ou cache ici-bas, il cache, alors cette chose revient à Allah. Ou Allah Azzawajal lui pardonne, ou Allah lui pardonne, ou Allah le châtie. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Comme on a vu, même s'il le châtie Allah Azzawajal, il le châtie selon ses grands péchés et sa destination finale sera le paradis, car il est monothéiste, car il est musulman. Donc on revient au charah. Et il y a d'autres preuves, beaucoup d'autres preuves, on s'est contenté de celle-ci. Wa qawluhu ya'ni fil aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. وقوله ويغفر ما دون ذلك أي هذا دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشرك وأن الشرك هو أعظمها وأخطرها فدل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب. Donc dans la seconde partie du verset où Allah Azzul dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais il pardonne en dessous de ceux-ci, de l'association à qui il veut. Donc Cheikh Al-Fawzan a expliqué, il pardonne en dessous de ceux-ci. Dans ceux-ci, il y a une preuve sur le fait que tous les péchés sont en dessous du shirk. Et que le pire des péchés, et que le plus dangereux des péchés, c'est ce shirk, cette association. Et ceci donc indique le danger de cette association, et que ceci est le plus et le pire des péchés. ثم قال شيخ الإسلام يعني في المتن وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc on revient au matn, dans le premier, tout le temps le premier annulatif de l'islam. Donc le cheikh a évoqué un verset. Allah Azzul dit, c'est celui qui commet du shirk, celui qui est associé à Allah, alors le paradis lui sera interdit et son refuge sera le feu, et point de secoureur, il n'y a pas de secoureur pour les injustes. هذه عقيبته في الآخرة أنه حرم عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا لا مطمع له فيها أين يذهب إذا لم يكن من أهل الجنة فأين يذهب يصير عدما لا مأواه النار خالدا مخلدا فيها. Donc, Cheikh Al-Fawzan explique ce verset qu'on vient de citer. Donc, le feu sera son refuge. Sa destination finale dans l'au-delà sera le feu. Donc, c'est-à-dire que le paradis lui sera interdit. C'est-à-dire qu'il sera empêché de rentrer au paradis d'une manière décisive et absolue. Il n'entrera jamais au paradis. Et ils ne pourront jamais la convoiter. Ils ne pourront pas la convoiter, convoiter le paradis. Donc où ils partiront? S'ils ne sont pas parmi les gens du paradis, alors où ils partiront? Ils seront néants? Le cheikh dit non. Leur refuge sera l'enfer et ils y seront éternellement, éternellement, éternellement. Et comme on a vu avant, quand tu dis éternellement, il n'y a pas de fin à l'enfer. Et c'est faux de dire qu'il y a une fin à l'enfer. وما للظالمين من أنصار يعني المشركين لأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلم ما لهم من أنصار ما أحد يستطيع أن يخرجهم من النار أو يشفع لهم عند الله كما يشفع لأصحاب الكبائر يخرجون ويخرجون من النار بالشفاعة هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله وما للظالمين أي المشركين من حميم ولا شفيع يطاع. المشرك لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله ومأواه النار مأواه يعني مقره وبئسة المأوى. يعني ليس له مأوى غيرها أبد الآباد فذنب هذا خطره وهذه عاقبته هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه ويقال اترك الناس اترك القبوريين وعباد الأضرحة اتركوا كل من عنده ردة اتركوه ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم وواجه الملاحدة. Donc Cheikh Al-Fawzan explique la fin de ce verset. Il n'y a point de secoureur pour les injustes. Les injustes, ce sont les polythéistes, les associateurs, les mouchrikoun. Car l'association est une injustice, comme on a vu le verset d'Allah, où Allah Azzul a dit, certes, l'association est une injustice. Certes, l'association est une énorme injustice. Et c'est la pire des injustices. et ils n'auront point de secoureur. C'est-à-dire que personne ne pourra les faire sortir de l'enfer. Et personne ne pourra intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Comme on intercède auprès des gens des grands péchés pour qu'ils sortent de l'enfer. Donc après cette intercession, comme on a vu dans le hadith précédent, ils sortiront de l'enfer. Allah Azzawajal dira, fais sortir celui qui a le poids d'un atome, le poids d'une petite fourmi de foi dans son cœur. Ceci fait partie de l'intercession. Donc ces gens-là, ces polythéistes, n'auront aucune intercession. Et ils n'auront pas l'intercession comme les gens des grands péchés. Et aussi, ça a été affirmé du prophète Hassan que les gens des grands péchés, qui commettent les grands péchés, pourront avoir l'intercession, et obtenir cette intercession. Le prophète Hassan a dit, « Shafa'ati li ashab al-kaba'ir min ummati. » Le prophète Hassan a dit, « Mon intercession sera obtenue par les gens des grands péchés qui font partie de ma communauté. » Donc, ces polythéistes, l'intercession des intercesseurs, ne leur profitera pas. Et donc, pour les injustes, les polythéistes, ils n'auront aucun ami, ni ami, ni intercesseur à qui on obéit, comme Allah Azza a dit. Donc le polythéiste, on n'acceptera de lui aucune intercession, qu'Allah nous en préserve, et son refuge sera l'enfer. C'est-à-dire son gîte, et quel mauvais refuge, et quel mauvais gîte. Il n'aura que l'enfer pour l'éternité. Donc, un péché d'une importance comme celle-ci, d'un danger comme celui-ci, et dont la fin est celle-ci, il entrera en enfer pour l'éternité. Est-ce que la personne peut faire semblant de ne pas le savoir ? Peut faire semblant de l'ignorer, d'ignorer cette association et de ne pas savoir ou de ne pas mettre en garde contre celle-ci, contre cette association. Et ils disent, laissez les gens et laissez ceux qui adorent les tombes, Al-Quburiyoun, et laissez les adorateurs des mausolées, c'est-à-dire ceux qui adorent les tombes, laissez-les. Et laissez toute personne qui a une apostasie, qui apostasie, délaissez-les du moment qu'ils prétendent l'islam, du moment qu'ils disent qu'ils sont musulmans, laissez-les, car il est musulman. Et tournez-vous plutôt vers les mécréants, dont la mécréance est apparente, ceux qui ne prétendent pas l'islam. Et donc on a vu que ceci est faux, yani ceci. On a vu même dans le livre de l'Islamicité que le musulman doit renier l'association, il doit se désavouer de l'association et des associateurs, sinon il n'est pas musulman. Sinon il n'est pas musulman. Et donc il n'est pas autorisé de dire laissez ces gens qui adorent autre qu'Allah, qui adorent les tombes, laissez-les. Et agréer tout ce qu'ils font. واذكر هنا فائدة ذكرها الشيخ الإسلام وتخص ما ذكرناه من قبل في الشيعة. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من بنى على القبور الشيعة فبنوا المشاهد على القبور في مصر وغيرها ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد المسلمين بعد ذلك وهذا كما ذكرنا يدل على شرهم وكما ذكرنا أنه يجب علينا على من له معرفة أن يحذر منهم لأن شرهم عظيم. دونك Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Islam, on évoque une chose très importante au sujet de ces gens qui adorent les tombes et qui construisent au-dessus des tombes, des mausolées. Et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, a évoqué que les premiers qui ont bâti ces mausolées, ces sanctuaires, au-dessus des tombes, sont les Shia. Comme on a vu, leur mal est énorme. Et Cheikh Al-Islam a évoqué, on l'a évoqué, que ce sont les créatures qui sont les plus mécréantes. Et comme on a vu leur mal, on a vu qu'il était obligatoire de mettre en garde contre eux. Il en est même parmi eux qui rendent Ali radiallahu anhu en tant que divinité en dehors d'Allah azzawajal, divinité. Et on a vu plusieurs de leur égarement, comme le fait d'insulter les sahaba, les compagnons, de les rendre mécréants, d'insulter Aïcha radiallahu anha, de dire qu'elle a forniqué alors qu'Allah azzawajal l'a rendue innocente dans son livre, subhanahu wa ta'ala, et autre que ceci. Et que le Coran, ils disent que le Coran est manquant, il manque des choses. Alors qu'Allah azzawajal lui-même préserve ce Coran, Allah azzawajal dit Inna nahnu nazzalna al-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, yani le Coran, et c'est nous qui allons le préserver. Comment donc ils peuvent dire qu'Allah azzawajal, que ce Coran est manquant? Celui qui mécroit une lettre du Coran n'est pas musulman. Donc, les premiers, Cheikh l'Islam, évoquent que les premiers qui ont construit sur les tombes, ce sont les Shia. Et parmi eux, Ar-Rawafid, et les autres sectes qu'on avait évoquées, le Qaram et autres. Donc, ce sont les premiers qui ont bâti les sanctuaires au-dessus des tombes en Égypte et dans les autres pays musulmans, et dans d'autres pays. Puis, elles se sont multipliées, ces sanctuaires. Elles se sont multipliées dans les pays musulmans après ceci. Donc, c'est eux qui ont commencé ce mal énorme. Ce mal énorme qui s'est répandu dans les pays musulmans. ونقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة. Donc on dit ces gens-là qui disent laissez les gens qui adorent autre qu'Allah, laissez-les tant qu'ils prétendent être musulmans. Ces gens-là sont encore plus dangereux que les mécréants, dont la mécréance est apparente. Ils ne prétendent pas l'islam. Puis on revient maintenant parmi le shirk. On a vu le premier annuatif, c'est le shirk, l'association à Allah Azzawajal. Wa minhu, yani min al-shirk, al-dhabhu li ghayri Allah, kaman yadhbahu lil jinn ou lil qabr. Donc on revient à Madr. Et parmi le grand shirk, et ceci fait partie du grand shirk, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah, comme celui qui sacrifie pour les djinns ou pour les tombes. Qal Cheikh Al-Fawzan, Al-Cheikh, rahimahullah, ذكر هذا المثال لأنه واقع ويتساهل الناس فيه ويذبحون لغير الله يذبحون للجن اتقاء لشرهم ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء ويتساهل الناس في هذا وهو كثير الوقوع مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة وما هو سهل يقول له الشيطان اذبح خروفة اذبح ذبابة دجاجة هذا سهل ولكن لا ينظر إلى الشرك فالذي ذبح ذبابا دخل النار ليس النظر إلى المذبوح وإنما النظر إلى العقيدة النظر إلى نية القلب النظر إلى عدم المبالاة بالشرك ليس النظر إلى قيمة المذبوح فالذي ذبح ذبابا دخل النار الناس يتساهلون في هذا من أجل أن يقضي حاجته أو يعلمه شيء أو يعلمه الشيء الغائب أو يخبره عن المال المفقود أو عن غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها فيخرج من دينه والعياذ بالله ويرتد في شيء يظنه أنه سهل فالأمر خطير جدا. Donc, le cheikh a évoqué ici un exemple qui est courant et dont les gens prennent à la légère. C'est le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de sacrifier pour les djinns par peur de leur mal, comme ils font dans certains de nos pays, quand ils construisent une maison, quand ils commencent un nouveau... il crée une nouvelle société ou autre, beaucoup de choses. Ils égorgent pour les djinns par peur de leur mal. Et aussi ils égorgent pour eux, pour qu'ils les soignent, pour avoir la guérison. Et donc les gens prennent les choses à la légère à ce sujet. Et beaucoup de gens tombent dans ceci, dans ce grand shirk qui fait sortir de l'islam, qui fait sortir de la religion. Et ceci n'est pas facile. Et donc le shaitan leur dit, égorge un mouton ou égorge une poule. Ceci est simple, c'est facile. Mais ils ne regardent pas le fait que ce soit du shirk, le fait que ce soit de l'association. Et celui qui égorge même une mouche, il entre en enfer. Et on ne regarde pas ce qui est égorgé. On ne regarde pas ce qui est égorgé. On regarde la croyance de la personne. Pour qui il l'a égorgé? Et on regarde l'intention dans le cœur de la personne. Et on regarde le fait que la personne n'a pas porté d'importance à ce shirk qui veut sortir de la religion. On ne regarde pas la valeur de ce qui est égorgé. Même si c'est une mouche, il va en enfer. Celui donc qui égorge une mouche entrera en enfer. Et donc les gens prennent ceci à la légère. Et ils égorgent pour qu'on satisfasse, pour que les djinns ou autres, ou les walis, ou les morts, satisfassent leurs besoins. Alors que bien sûr, ils n'entendent même pas leurs invocations. Ou pour leur apprendre une chose parmi les sciences de l'invisible. Ou pour leur informer au sujet d'une chose qu'il a perdue. Au sujet d'un bien qu'il a perdu. Ou autre que ceci parmi les choses qu'on demande à ces djinns ou autres. Et donc, à cause de ceci, la personne sort de l'islam. Il sort de la religion, de sa religion. Qu'Allah nous en préserve. Et il apostasie dans une chose qu'il croyait être simple. Et donc la chose est très dangereuse. C'est une chose très dangereuse. On a marru ila an-naqid al-thani. Qal al-thani man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'iq. Yad'uhum wa yas'aluhum al-shafa'a. Donc, on passe au deuxième annulatif de l'islam. C'est celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires, en les invoquant ou en leur demandant l'intercession, ou en plaçant sa confiance sur eux. Alors, cette personne est mécréante par consensus. Par consensus, et vous savez que celui qui diverge, qui s'oppose au consensus, n'est pas musulman. L'ijma' al-qat'i. C'est-à-dire, l'ijma', le consensus, où il n'y a pas de doute, il n'y a pas... Et celui qui s'y oppose a certes mécru. Donc, on passe à l'explication de Charles. هذا نوع من الناقد الأول وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهذا كثير عند القبوريين يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله، يوصل حوائجهم إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، يذبح لهم وأنذر لهم واستغيث بهم. دونك cette sorte, on répète le deuxième annulatif, c'est celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires en les invoquant ou en leur demandant l'intercession ou en plaçant sa confiance en eux, alors cette personne mécroît. Elle sort de l'islam, elle mécroît par consensus. Donc, cette deuxième sorte d'annulatif de l'islam, c'est celui qui place entre lui et Allah un intermédiaire. Et le cheikh l'a rendu, yani, il a fait de cet annulatif, il l'a séparé du premier. Car cet annulatif entre dans le premier, c'est du grand shirk, c'est du shirk. Il entre dans le premier. Mais il a fait que ce soit un annulatif à part entière, car il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Car cette chose est répandue. Beaucoup de gens prennent des intermédiaires entre eux et Allah Azzawajal. Et ceci aussi est répandu de ceux qui prétendent l'islam. Ceci est aussi de beaucoup de gens qui, de ceux qui adorent les tombes, de beaucoup de ceux qui adorent les tombes. Ils se rapprochent du wali, du saint, de l'allié d'Allah Azzawajal. Ils se rapprochent de lui pour qu'il vienne intercéder entre lui et Allah, auprès d'Allah, pour qu'il vienne. Pour que ce saint qui est mort dans sa tombe, qui n'entend pas les doigts et qui ne peut pas entendre les doigts, les invocations, vienne intercéder auprès d'Allah Azzawajal pour cette personne. Ou pour que cette personne qui est morte dans sa tombe vienne, fasse parvenir les besoins de cette personne à Allah. Ils prétendent ceci. Et ceci fait partie du fait de prendre des intermédiaires en dehors d'Allah Azzawajal, en égorgeant pour eux, ou en faisant des vœux, ou en implorant le secours auprès d'eux. Wa yaqul hadha laysa bi shirk, hadha innama huwa tawassut, talab wasita wa shafa'a tusiluni ila Allah Azzawajal. هذا رجل صالح له مكان عند الله فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله. هذه حجة المشركين الأولين. قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc ils disent ceci n'est pas de l'association. C'est juste prendre un intermédiaire. C'est juste demander de prendre un intermédiaire entre toi et Allah. Et c'est juste de demander l'intercession qui va nous faire parvenir à Allah. Et cette personne morte est une personne pieuse. Il a un rang auprès d'Allah Azzawajal. Donc, moi, je me rapproche de cette personne-là pour qu'il me rapproche d'Allah Azzawajal. Et cet argument, c'est l'argument des premiers polythéistes. Allah Azzawajal a dit à leur sujet, et ceux qui prennent en dehors d'Allah des alliés, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah Azzawajal. Pourquoi ils les adorent? Pour qu'ils les rapprochent. Ils adorent ces alliés d'Allah que pour qu'il les rapproche d'Allah Azzawajal. Wa adhkur kalam الشيخ الفوزان وهذا في كتاب آخر للاستفادة زعموا أن هؤلاء أن الله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بالوسائط لأنهم قاسوا الله على ملوك الدنيا يعني على المخلوق وهذا ليس من التعظيم في شيء ليس من التعظيم بل هو تنقص لله عز وجل كما وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء donc j'évoque une parole une autre parole dans un autre livre de Cheikh Al-Fawzan dans une autre citation de Cheikh Al-Fawzan qui dit que ces gens-là qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jalla ils ont prétendu qu'Allah Azza wa Jalla on ne pouvait se rapprocher de lui qu'en prenant des intermédiaires car ils ont fait l'analogie entre Allah et les rois de cette dunya de cette vie d'ici-bas. Ils ont fait l'analogie entre le créateur et la créature. Et ceci ne fait pas partie du fait de vénérer Allah Azzawajal. Ça ne fait pas partie de la vénération d'Allah. Mais c'est plutôt une diminution d'Allah Azzawajal. Le fait de faire l'analogie entre Allah et sa créature. Alors qu'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Allah Azzawajal dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui est pareil. يقولون ما جعلناهم شركاء شركاء لله ولكن جعلناهم وسائط يقربوننا والله سماه شركا قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفعا وهذا هو الواقع donc ils disent ces gens-là qui prennent des intermédiaires des saints, des alliés des djinns et autres entre eux et Allah Azza wa Jal ils disent on ne les a pas pris en tant qu'associés avec Allah Azza wa Jal. Mais plutôt, on les a pris comme intermédiaires pour nous rapprocher de lui. Et Allah Azza wa Jal a nommé ce qu'ils font. Il l'a nommé comme étant du polythéisme. Allah Azza wa Jal dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceci, yani ces gens-là, ceci, sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et la terre, dans les cieux et ni dans la terre. Gloire à lui, et il est élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc Allah, dans ce verset, l'a appelé, l'a nommé polythéisme. Alors que eux l'appellent, yani, ils le nomment comme le fait de le nomment demander l'intercession. Ils le nomment par autre que son nom, qui est le shirk. Et c'est ceci qui est courant aujourd'hui. وهذا هو الواقع أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء ويقولون هذا ليس بشرك الشرك عبادة الأصنام وهؤلاء ما يعبدون أصناما يا سبحان الله عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك الشرك هو عبادة غير الله سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين هذا هو الشرك وليس الشرك عبادة الأصنام فقط donc c'est ce qui est courant aujourd'hui qu'il l'appelle par autre que son nom تشفع au lieu de de son vrai nom qui est le shirk, l'association. Et ceci est courant de beaucoup de ceux qui prétendent l'islam aujourd'hui et de ce qu'ils font avec les tombes, auprès des tombes. Ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Et cette chose a été ignorée, est ignorée par beaucoup de gens, même par les étudiants en sciences. Et aussi il y a des savants qui disent et qui défendent ces gens-là. Ils défendent ces gens-là. Et ils disent, ceci n'est pas du shirk, ceci n'est pas de l'association. L'association, c'est juste adorer les statues. Ça, c'est faux. L'association, ce n'est pas juste adorer les statues. Exemple qu'on avait vu avant. Wallah alim si on l'a vu. Allah Azza wa Jalla dit, Avara'aytum al-Lata wal-Uzza wa manat al-thalithat al-ukhra. Allah Azza wa Jalla dit, avez-vous vu Al-Lat? Al-Lat, c'était un homme pieux qu'ils ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Wal-Uzza, c'était un arbre qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Al-Manat, c'était une bâtisse qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ils disent, le shirk, c'est simplement d'adorer les statues. Et eux, et ces gens-là, n'adorent pas les statues. Et à subhanallah, il dit, gloire à Allah. L'adoration des statues, c'est une sorte, parmi les sortes de shirk. Et le shirk, c'est adorer autre qu'Allah. Que ce soit une statue, un arbre, une pierre, une tombe, un saint, un ange parmi les anges, ou un saint parmi les saints, ou un pieu parmi les pieux, tout ceci fait partie du shirk. Et le shirk, ce n'est pas simplement ou simplement le fait d'adorer les statues simplement. Non, ce n'est pas le fait d'adorer les statues simplement. Il y a beaucoup, beaucoup de sortes de shirk. Et on a vu aussi dans le Kitab al-Tawhid, Allah Azza wa Jalla dit الذين تدعون يدعون من دون الله الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, Allah Azza wa Jalla dit, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. On a vu que ceux qui cherchent le moyen de se rapprocher, ce sont des djinns qui sont rentrés dans l'islam. Ou une autre explication de ce verset, c'est Isa, Jésus et sa mère, et Uzair. Ils les adorent en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Donc ceci indique que le shirk, ce n'est pas simplement d'adorer les statues. Il y a beaucoup de sortes de shirk. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك